Avec du recul quand j'observe et j'analyse la vie, je dis que si on arrivait à se taire, on éviterait beaucoup de conflits. Avec notre langue des dégâts, on en fait plus qu'avec nos poings. On fait de la paix et des combats, on détruit, on brise des liens. Toi que dans ta bouche tu as des allumettes ou de l'eau. Pour éteindre ou allumer les incendies, c'est toi qui vois. Et ben t'as le choix, ben t'as le choix de te taire ou d'encaisser. Contrôle-toi et tu verras, t'auras rien à regretter. Parfois faut savoir se retenir et écouter entre autres. Avant de parler, faut réfléchir. Si tu veux aider les autres, car bien souvent ce que les gens veulent, ouais, c'est trouver sur leur route quand ils se sentent seuls quelqu'un qui les écoute. Et une parole douce, dite à un moment propice, peut résoudre beaucoup de problèmes et éviter qu'une âme se brise. Et une parole dure, lâchée sans aucune maîtrise, peut provoquer beaucoup de peine, faire qu'une personne s'enlise. Tienes que estar atento y pensar en lo que estás diciendo. Tienes que estar atento y pensar en lo que estás diciendo. Que les critiques ont un goût de miel. Dans une conversation, parler d'un tel ou un tel, la personne n'est pas là, alors on peut se lâcher. Allez. Mais si on parlait de toi, je crois pas que t'aurais aimé. C'est tout comme si tu passes ta vie à te plaindre ou à ne raconter rien que des choses tristes. Sur ton entourage, rien de bien tu vas déteindre. Et de tes amis, tu vas vite réduire la liste. Ouais. Et je parle pas de si tu mens, non. C'est te condamner avec ta bouche bêtement. Car la vérité, tôt ou tard, est toujours dévoilée. Et bien que t'aies une grosse mémoire, un jour tu seras démasqué. Ce qu'il faut réussir de faire en sorte, en fait, c'est que quand quelqu'un te parle, qu'il oublie tous les soucis qu'il a dans sa tête. S'il était avant de te voir dans un état malheureux, qu'il reparte avec espoir et beaucoup plus heureux. Tienes que estar atento y pensar en lo que estás diciendo. Tienes que estar atento y pensar en lo que estás diciendo. Secret, si quelqu'un se confie à toi, on ne le répète jamais, on a eu confiance en toi. Et si t'entends des critiques sur quelqu'un, faut les garder pour toi, les dire ça sert à rien. Avant de parler, faut réfléchir, calculer tout ce qu'on dit. Au lieu de parler de la vie des autres, faut parler de sa propre vie. Et le constat quand on observe, bien souvent la conclusion, c'est que pour les autres on réserve le sens de nos conversations. Celui qui parle peu, s'en repent très rarement. Celui qui parle trop, lui, le regrette très souvent. La flûte de parole sans réfléchir peut nous dépasser. Et tout ce qu'on finit par dire, c'est des choses insensées. Faut se dire, c'est qu'avec des bonnes manières on peut tout dire. Mais ouais, faut peser nos paroles avec du tact, se mettre à la place des autres et mesurer l'impact de tous nos mots entre autres. Mon Dieu à genoux, je te prie d'ici, il faut que tu nous aides à contrôler tout ce qu'on dit. Il faut plus qu'on sait que l'on tourne notre langue, non pas que cette fois, mais qu'avant de parler on le fasse 77 fois. Tienes que estar atento y pensar en lo que estás diciendo. Tienes que estar atento y pensar en lo que estás diciendo. Si on contrôle pas ce qu'on dit, on peut faire beaucoup de conflits. Alors avant de parler, moi je dis, tous nos mots soient réfléchis. Si on contrôle pas ce qu'on dit, on peut faire beaucoup de conflits. Alors avant de parler, moi je dis, tous nos mots soient réfléchis. Mais ouais, la plupart des problèmes et des soucis et des histoires, elles viennent de la manière qu'on a de se parler entre nous. Faut savoir se contrôler, réfléchir à ce qu'on dit. Des fois on veut aider, on fait n'importe quoi. Des fois on blesse des gens, des fois on fait du mal. On réalise pas, faut se retenir et réfléchir avant de parler. Elle est là la clé. Bueno, en espagnol ahora. No problema es la historia de que viene, de la manera que tenemos de hablarnos. Tenemos que saber detenernos, detener la lengua. De ahí salen los problemas, se dicen las cosas malas. Y sobre todo pensar lo que vamos a decir antes de decirlo, para no hacer daño, ni destrozo. Está en tus manos. Tienes que estar atento y pensar en lo que estás diciendo. Tienes que estar atento.